4, 5, c'est quoi ça? Un jour j'irai à New York avec toi. Putain, j'entends pas la basse là. Pas beaucoup, Jo. Est-ce que tu peux monter ton volume, Jo? Didier Ribello, ça commence pas sur le 1, mais c'est pas grave. Un peu vite. Oh putain, les roulements sont nuls. On va faire un truc plus rock. J'essaye mon système. On va faire une basse plus rock, non ? On entend la basse ? J'essaye ça.